Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le crash du Concorde au-dessus de Gonesse le 25 juillet 2000. Le Concorde, un avion aussi révolutionnaire qu'expérimental, sans précédent et sans successeur. Pendant 30 ans, il aura volé plus vite que tous ses concurrents, mais il était aussi le plus contesté sur le terrain commercial et sur le terrain écologique. Autrement dit, il était un avion à la fois futuriste et dépassé. Le Concorde est un paradoxe avec deux ailes, des ailes Delta qui faisaient aussi son look si particulier. Mais quel panache, quel prestige pour ses créateurs, la France et le Royaume-Uni, qui pour le coup ont vraiment regardé dans la même direction, ce qui n'est pas si courant dans l'histoire des deux pays. Mais c'est à la manière d'une tragédie grecque que le Concorde est mort, avec ses 113 passagers, ce jour de juillet 2000. Moins de 2 ans plus tard, il disparaîtra des pistes et des tarmacs, presque aussi vite qu'il était venu. Mais cet accident n'effacera pas pour autant 40 ans d'une des plus belles pages de l'histoire de l'aéronautique. On avait dit le Titanic insubmersible, on croyait le Concorde infaillible. Alors pourquoi? Quelle est, au-delà du crash de Roissy, la véritable histoire du programme Concorde? Pourquoi cet avion continue-t-il de fasciner, aujourd'hui encore? Pour en parler avec nous, un ancien commandant de bord et pilote instructeur d'Air France qui a eu le privilège de piloter Concorde, Gérard Felzer, que vous connaissez tous, j'imagine, car c'est un homme passionné par la communication de sa passion, les avions. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attaché de production Léa Dupuy-Henquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Pierre Jabot, Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui Gilles Gaillard, Julien Chabassu. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Eh bien, je suis là, en effet, Georges Pompidou, au milieu des commandes de Concorde. Nous volons à Mach 2. Le personnel de l'aérospatial, aux ingénieurs, aux techniciens, aux cadres, à tous les travailleurs, je voudrais leur dire, pour les efforts qu'ils ont faits, pour la joie qu'ils me donnent aujourd'hui, de tout cœur, merci. C'est le Concorde. Un Concorde s'est donc écrasé en milieu d'après-midi près de Paris, faisant 113 morts. L'appareil venait de décoller de Roissy. Il devait rejoindre New York. Le supersonique est tombé sur un hôtel à Gonesse. Les passagers étaient des touristes allemands. À une époque, les années 60, où les États-Unis et l'Union soviétique sont omnubilés par la conquête de l'espace, deux pays européens font un autre pari, celui des voyages intercontinentaux à haute vitesse. C'est le cas de la France avec la Super Caravelle et du Royaume-Uni avec le Bristol 223. Des deux côtés de la Manche, on expérimente les vols supersoniques qui dépassent la vitesse du son. Mais le défi est de taille, réussir à maîtriser les perturbations aérodynamiques que crée l'air à plus de 1000 km/h sur les ailes de l'appareil. Le temps passe, les coûts de développement explosent. Quand enfin un accord de coopération internationale amène la France et le Royaume-Uni à participer à un projet d'avion supersonique commun. L'idée, c'est de mettre à profit toute l'expérience technologique acquise par Sud Aviation d'un côté et British Aircraft Corporation de l'autre, bien sûr, mais aussi de partager les coûts pharaoniques du projet et enfin de raccourcir les délais de développement. L'accord franco-britannique est signé le 29 novembre 1962. Il donne naissance au projet Concorde, écrit à l'anglaise, sans E. Un nom sur lequel, après d'intenses négociations, on rajoutera un E, ça fait plus français. Et c'est cette version qui l'a emporté. C'est ainsi que le Concorde, écrit à la française, est né avec ce nom de baptême qui sent bon la place du même nom, à Paris. Et tant pis si certains, à cause de cette orthographe, ont toujours cru que l'avion était français. C'était faire bien peu de cas du génie technologique de la Grande-Bretagne, cette immense nation qui est à l'origine de tant d'inventions qui ont changé la vie de tant d'êtres humains, à commencer par la révolution industrielle. En 1962, les premières photographies du prototype circulent. Les journalistes commentent alors les clichés de cet étonnant projet qu'ils découvrent. Maintenant, la coopération franco-anglaise qui va porter ses fruits dans le domaine de l'aviation. Philippe Réal, nous avons sous les yeux les photographies du Concorde, ce nouvel avion commercial supersonique qui va être construit d'ici 1970. Je crois qu'aujourd'hui même, la signature a eu lieu à Londres, n'est-ce pas ? Oui, qui volera même dès 1966. Qui volera en 66, à titre d'essai. Mais alors, cet avion, comment se présente-t-il ? Avion-fusée, on dirait. Oui, on dirait absolument. Il se caractérise par, vraiment, l'avion-fusée. Il ressemble étonnamment à l'avion X-15 américain, notamment. Alors, vous voyez, L Delta. Et alors, sur l'autre photo, nous voyons les moteurs sous l'aile Delta. Il y aura quatre moteurs. Quatre réacteurs, bien quatre sûr. Quatre réacteurs, bien entendu. Concorde. Sur les grandes lignes, l'appareil doit être capable de transporter une centaine de passagers. Assez peu, finalement. Mais dans le plus grand confort, et surtout sur une distance de 6000 km à la vitesse Mach 2, 2 en toute sécurité. Ce qui sera le cas, effectivement, jusqu'en juillet 2000. Voilà pour le cahier des charges. Encore faut-il réussir à transformer ce qu'on voit sur les planches à dessin en une structure capable de prendre son envol sur une piste de décollage. Autrement dit, un avion, même si la chose ressemble aussi, c'est vrai, à une fusée. Le projet Concorde s'inscrit dans une évolution naturelle de l'homme depuis des décennies, celle de se déplacer plus vite, toujours plus vite. Mais le pari technologique engagé par les ingénieurs français de Toulouse et leurs collègues britanniques de Filton dépasse de loin tout ce qui se faisait avant. En effet, avec Concorde, un appareil supersonique civil, il faut tout inventer, ou presque. La voilure, par exemple, diffère de celle qu'on peut voir sur tous les autres avions. C'est une aile delta modifiée, plus communément appelée aile gothique, permettant d'éviter les perturbations aérodynamiques passées Mach 1 et qui offre des réservoirs suffisants pour le carburant. Les moteurs sont eux aussi révolutionnaires, expérimentaux, tout comme les freins, le système de post-combustion et les pneumatiques. Ces mêmes pneumatiques qui doivent supporter la chaleur des accélérations et décélérations fulgurantes du Concorde. Les pneus, 40 ans plus tard, on les retrouvera au cœur de la tragédie qui va se dérouler au-dessus de Gonesse. Concorde, c'est une machine où tout est nouveau. Avec lui, on réinvente l'aéronautique. Par exemple, la longueur de l'avion rend l'usage du câble de commande trop complexe. Le système mécanique est donc abandonné pour un système électrique, une première sur un appareil de série et qui sera reprise par la suite sur la plupart des avions que l'on construira. Petite visite à bord. À l'avant des 58 mètres de Concorde, voici le poste de pilotage au moment où la visière qui protège l'avant de l'avion dans le vol supersonique s'est abaissée. Le nez également s'abaisse pour permettre au pilote, au moment de l'atterrissage, de voir la piste. Tout ceci est en bois, tout ceci est construit exactement à l'échelle, voici la visière de protection qui se relève. Mais ce ne sont pas les seules études que l'on fait pour Concorde. Ces maquettes en bois ne sont pas des études uniques. Il y a aussi des études encore plus poussées. Dans le grand hall de Filton, voici un avion très curieux, le BAC-221. Cet avion a, à échelle réduite, exactement l'aile de Concorde. Cet avion qui vole à Mach 1.6 est spécialement construit pour étudier les réactions de l'aile de Concorde en vol. Et puis on étudie aussi la résistance des matériaux et des différentes parties de l'avion. Voici ici l'avant de Concorde, exactement le vrai. Mais c'est un élément qui servira d'éprouvette. On va le torturer, le chauffer, le refroidir, le tordre pour voir les réactions de l'avion. Les ailes du désir. Au début de l'année 66, les premiers tests de roulage sont effectués. Il faut reconnaître que tant du côté des Anglais, chargés des réacteurs et du nez amovible, que des Français, chargés de la partie centrale de l'avion, les choses finalement avancent assez vite, malgré les éternelles tensions politiques entre les gouvernements français et anglais, qui pour des raisons de financement viennent perturber le projet. Là où le général de Gaulle ne regarde pas la dépense, car il y va du prestige de la France face aux États-Unis, les Anglais, eux, sont très sourcilleux sur la ligne budgétaire. Mais enfin, bon an, mal an, près de 7 ans après le lancement du projet, les 180 tonnes d'alliage aluminium du Concorde s'apprêtent à décoller de Toulouse. Après 15 mois d'essais au sol et plusieurs reports, faute de mauvaises conditions météo, Le dimanche 2 mars 1969, le prototype Concorde 001 est tracté jusqu'en bout de piste sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac. À son bord, le pilote d'essai du programme, André Turca, assisté de son second Jacques Guignard, le directeur du programme, Henri Perrier, et le mécanicien, Jacques Rétif. À ce moment-là, tous le savent, ils ont pris place pour un voyage vers l'inconnu, parce que, malgré les nombreux tests en soufflerie, les calculs des bureaux d'études, personne ne sait comment va réellement se comporter l'avion une fois en vol. La machine a beau être révolutionnaire, elle n'en reste pas moins expérimentale. Témoins privilégiés de l'incroyable spectacle qui s'offre à eux, les journalistes présents sur le tarmac commentent. Concorde vient d'être mis en puissance, les quatre réacteurs sont à fond. J'ai à côté de moi Monsieur Rebuffet, qui est spécialiste du centre d'essai en vol de Bretigny et qui est spécialement affecté à l'équipe de Concorde. Monsieur Rebuffet, je crois que nous assistons maintenant à la mise en puissance complète. Oui, actuellement, Concorde a mis pleine puissance. Vous voyez la fumée qui se dégage des réacteurs. Je pense que le lâcher des freins va intervenir dans très peu de temps. Eh bien, nous allons maintenant donc assister à ce premier vol qui est attendu, je vous le rappelle, depuis 2282 jours. Il y a 2282 jours que Concorde est prévu. Et maintenant, enfin, le premier vol. Ce premier vol que 600 journalistes attendent autour de la piste et que vous tous allez voir maintenant en direct. Le voilà. La tour de contrôle donne son feu vert. André Turca actionne la manette des gaz. Dans un fracas magnifique, l'appareil s'élance. Rotation, comme disent les pilotes. Concorde lève le nez et décolle majestueux, agile. Après 7 ans de tests et 5300 heures d'essai, l'avion atteint l'espace pour lequel on l'a construit, le ciel. Et maintenant, à la vitesse de 350 km/h qui était celle de son décollage, Concorde grimpe maintenant. Il va grimper à environ 400 mètres à la minute, 1200 pieds, et gagner l'altitude de 3500 à 4000 mètres. Cette première phase d'essai est extrêmement importante. Et c'est une réussite. 29 minutes. Pas de pointe de vitesse ici, non. Pas question non plus de prendre de risques. L'appareil est trop précieux et surtout encore très expérimental. L'objectif de Concorde, c'est de voler à Mach 2, 2, autrement dit deux fois la vitesse du son, soit un peu plus de 2000 km/h pendant plus de 3 heures, le tout à plus de 18 000 mètres d'altitude. À cette vitesse, il ne faut que 2 secondes pour parcourir 1 km. Traverser la France du nord au sud nécessiterait que 30 minutes. Derrière cet objectif se cache en fait le désir pour Paris et Londres de révolutionner le transport aérien et les voyages intercontinentaux à haute vitesse. Paris-Dakar en 2h50, Londres-Bahreïn en 3h10, Paris-New York en 3h30. À chaque fois, Concorde bat plate couture les avions traditionnels en divisant les temps de transport par deux. Mais pour atteindre ces vitesses qui font rêver, il y a encore du chemin à faire. L'avion est confronté à des problèmes techniques jusque-là encore inconnus sur les autres appareils. Problèmes de poussée des moteurs, gestion de la chaleur sur le fuselage, équilibre des masses au décollage, gestion du nez rétractable. Avec Concorde, l'homme réapprend à voler. Voilà plusieurs années que les Américains du programme Boeing se cassent les dents pour stabiliser un appareil au-delà de la vitesse du son. Plus à l'est, en Russie soviétique, le constructeur Tupolev travaille lui aussi sur un autre projet d'avion supersonique. Un projet qui, comme le révélera l'affaire Farwell en 1981, était très, voire entièrement inspiré des travaux de développement de Concorde. Si bien que le fameux Tupolev 144 sera surnommé le Concordski. Si à terre et dans les esprits, l'avion russe donne le change, dans les airs en revanche, c'est une autre histoire. Ça va beaucoup moins bien, ce qui est gênant pour un avion. Du côté du Concorde, en revanche, les choses avancent, et bien même. Quelques mois seulement après son premier vol, en octobre 1969, le supersonique passe enfin le test ultime, le fameux mur du son en mode supersonique. « Une fois l'appareil posé à sa descente, André Turca, le pilote, donne ses impressions devant un parterre de journalistes qui se précipitent vers lui. Le calme de cet avion supersonique était impressionnant, on sentait vraiment qu'il était fait pour ça. Le vol a duré 1h50 de Calakal et 9 minutes, si je ne m'abuse, en supersonique. Et stabilisé dans des conditions de Mach 1,05. Et ensuite, ce franchissement de Mach 1 a été non pas seulement aussi calme, mais plus calme qu'on ne pouvait l'imaginer. Il n'y avait vraiment absolument aucune anomalie. Et je n'ai pas l'habitude de faire des déclarations pour l'extérieur qui soient plus enthousiastes que la réalité ne le commande. Mais je peux dire que vraiment, nous sommes extrêmement satisfaits des... du comportement de l'avion en supersonique. Le 4 novembre 1970, moins de 2 ans après son premier vol, Concorde 1, modifié, affiné, perfectionné, atteint enfin Mach 2 à l'occasion de son 102e vol. Le pari technologique dans lequel s'étaient lancés Français et Anglais est en passe d'être réussi. Pourtant, l'avenir de Concorde se joue aussi sur un autre terrain, celui du développement commercial. C'est bien beau en effet d'inventer une machine comme le Concorde, mais encore faut-il le vendre. Et pour l'instant, les acheteurs potentiels ne se bousculent pas au portillon. How? Concorde est un enjeu de prestige pour la France et le Royaume-Uni. Le général de Gaulle ne cache pas son attachement au projet pour lequel, il le répète, le coût financier doit être le dernier des problèmes. Une autre époque, en ce temps-là, l'État avait des ressources, ça fait rêver. Au diable donc ces Anglais qui en sont à compter leurs billets et à ralentir les décisions et les investissements communs. En 1971, quelques mois après la fin des essais, Georges Pompidou est le premier président de la République à voyager dans le Concorde. S'il salue la réussite du pari technique, il est conscient des incertitudes qui pèsent sur l'avenir financier du supersonique. Lorsque le gouvernement français et le gouvernement britannique ont pris la décision d'entreprendre ensemble la construction d'un appareil de transport supersonique, il savait qu'il s'engageait sur une voie difficile. Les dépenses à prévoir étaient énormes et nous ne nous faisions pas beaucoup d'illusions sur les premières estimations. Les problèmes techniques à résoudre considérables, les possibilités commerciales très mal connues. C'était donc bien d'un pari qu'il s'agissait. Et aujourd'hui encore, c'est d'un pari qu'il s'agit en partie, mais le pari a été pris, il a été et il sera tenu. En 1971, le Concorde va jouer sa carte maîtresse, la séduction. Le Concorde 002, celui des Anglais, est envoyé au Moyen-Orient et en Asie pour des démonstrations. À chaque atterrissage ou décollage, le scénario est le même, la foule est là, tout le monde veut sa photo de l'avion. Dans le monde entier, on est fait appareil à la technique révolutionnaire. Alors les commandes s'enchaînent, British Airways et Air France évidemment, mais aussi les Australiens de Qantas, la Japan Airlines, les compagnies américaines Pan Am et TWA ou encore Air Canada. 16 compagnies internationales se pressent, le carnet de commandes est plein, 74 unités sont validées. Technologie et commerce, tout concorde, pour l'instant. Car moins d'un an après, la quasi-totalité des commandes est annulée. Le premier choc pétrolier est passé par là, fragilisant le marché du transport aérien en 1973. Ajoutons à cela le débat créé par les autorités de l'aéroport JFK de New York sur les contraintes environnementales et surtout sonores de l'appareil. Toutes les compagnies semblent voir en Concorde un avion qui finalement a plus de défauts que d'avantages. Malgré tout, le président d'Air France, Georges Galichon, reste optimiste et mise toujours sur la différence. Nous le rentabiliserons en essayant de le commercialiser d'une manière aussi originale que possible et en fournissant aussi bien un service au sol qu'à bord tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire que vous comptez aménager des services de taxi ou de trains spéciaux qui amèneraient les voyageurs directement à l'avion, etc. Ce sont les études que nous faisons actuellement et en effet ce que nous comptons faire, c'est offrir un produit tout à fait nouveau et très attractif. Dont acte, 16 appareils sont finalement construits. Le premier vol commercial du supersonique a lieu le 21 janvier 1976 avec Air France, qui effectue sa première liaison vers Rio via une escale à Dakar. Dans le même temps, un Concorde de la British Airways fait la rotation Londres-Bahreïn. À bord de l'appareil d'Air France, alors en approche de l'aéroport de Rio, a pris place Pascal Delannoy, journaliste à France Inter. Il raconte le vol. Dans une demi-heure, Concorde atterrira à Rio. Rio, il est 3h de l'après-midi, l'heure à laquelle on se prépare à aller à la plage, puisque c'est l'été et qu'il fait 35 degrés à l'ombre. Ce premier vol a tenu ses promesses, après un décollage parfait qui nous a donné à nous tous collés sur nos sièges l'impression, et oui, d'être à bord d'une fusée. Concorde a pris la direction de la Bretagne, puis une fois sur l'océan, le commandant Chanoine et le commandant Didal ont poussé les gaz. Mach 1 d'abord, tout le monde a applaudi, puis Mach 2 dans la différence générale. Tout le monde alors était trop occupé à prendre des photos et à visiter chaque recoin du supersonique. Première impression, Concorde est un peu bruyant, vous l'entendez peut-être. Les hublots sont petits, mais cela mis à part, le vol est réellement fantastique. Jamais on ne ressent la vitesse, et puis surtout, à 18 000 mètres d'altitude, on se rend compte que la Terre est vraiment ronde et le ciel vraiment bleu. C'est un spectacle dont on ne se lasse pas, sinon le temps de prendre, comme entre Paris et Dakar, un repas exceptionnel, foie gras, caviar et champagne. C'est tout cela la France, s'est exclamé mon voisin, un industriel américain spécialement venu de Los Angeles pour vivre ces 7 heures historiques, et croyez-moi, il n'a pas été déçu. Effectivement, en 1977, New York est enfin disposé à accueillir Concorde. Air France et British Airways vont alors progressivement recentrer toutes leurs lignes vers l'aéroport JFK, que l'appareil atteint en 3h30, deux fois moins qu'un appareil classique. Et en 1983, pour rentabiliser au maximum leur supersonique, les deux compagnies n'utilisent Concorde qu'à destination de New York. Durant les années 80 et 90, les Concorde français et anglais vont tout de même voler en dehors de leur routinière rotation vers New York, assurant des vols spéciaux dits charter. Dans cette configuration, la rentabilité de l'appareil est bonne. Certaines agences de voyage iront même jusqu'à proposer des tours du monde. Et puis c'est un outil diplomatique aussi qui permet aux négociateurs de se rendre rapidement sur les points chauds de la planète. Concorde égale prestige. Mais si l'appareil peut voler à Mach 2, son carnet de bord est moins convaincant. L'entretien entre chaque vol, par exemple, nécessite près d'une journée et une équipe de spécialistes de Concorde, alors qu'un appareil classique n'a seulement besoin que de quelques heures. Autre complication, les soucis techniques, les fameux retours d'expérience rencontrés par l'appareil. On a du mal à les analyser. C'est le cas pour les pneumatiques soumis à l'échauffement et à la brutalité des procédures de décollage et d'atterrissage. À plusieurs reprises, des éclatements vont se produire, à Washington notamment ou à Dakar. Serait-ce le talon d'Achille de l'avion ? Pourtant, l'exploitation de Concorde continue sans modification et tout se déroule bien, pour l'instant. Croatie. 25 juillet 2000, 15h58, le Concorde d'Air France, vol AF4590, est en bout de piste, la piste 26 droite. Aux commandes, le commandant Christian Marty, son copilote Jean Marco et leur mécanicien Gilles Jardineau. À eux trois, ils comptabilisent près de 4000 heures de vol sur le supersonique. À 16h42 minutes 17 secondes, la tour de contrôle autorise Concorde à s'élancer. Dans le cockpit, on procède au dernier réglage. Arrêt. Attention. Top. Envers. Concorde s'élance à plus de 300 km/h. Mais derrière lui, il laisse une traînée de fumée noire et des flammes. Il semble qu'un des moteurs du supersonique soit en feu. L'appareil est trop loin sur la piste pour s'arrêter, le délai dépassé. Le commandant Marty cabre l'appareil et décolle. Il continue sur sa trajectoire, mais manifestement le problème est sérieux. L'équipage du supersonique annonce à la tour de contrôle qu'il va tenter de se poser au Bourget en urgence. L'avion entame alors un virage, mais il s'écrase sur un hôtel. Immédiatement, le plan rouge est déclenché sur Gonesse, lieu de l'accident. Dans l'heure qui suit, l'envoyé spécial de France Inter est sur place. Il raconte. Pour la première fois, on a pu s'approcher. Je peux vous assurer que c'est difficile à décrire pour la simple bonne raison qu'on a du mal à imaginer que ce qu'on a sous les yeux était un avion et un hôtel. C'est des ensembles calcinés. Voilà. Il n'y a plus rien. Le Premier ministre Lionel Jospin arrive sur place, il annonce les probables raisons de la catastrophe. Un moteur a pris feu au moment où cet avion décollait de l'aéroport de Roissy. C'est un avion charter qui avait été affrété par un opérateur allemand. Et il semble que, bien que toutes les pistes naturellement lui étaient ouvertes sur Roissy et Le Bourget, que l'avion n'ait pas pu revenir à son point de départ, même s'il l'a essayé. « 113 personnes vont trouver la mort dans la catastrophe. Les 100 passagers de l'avion, en grande majorité des touristes allemands, les 9 membres français de l'équipage et 4 personnes au sol. Dans les jours qui suivent, commence l'enquête du bureau enquête accident, le BEA. Très vite, les enquêteurs orientent leurs investigations du côté de la piste où un élément métallique, une lamelle, appartenant à un avion de la compagnie Continental Airlines qui a décollé juste avant Concorde, a été retrouvé. Selon les conclusions de leur rapport, remis plusieurs années après l'accident, c'est bien cette lamelle en titane de l'appareil de la Continental qui est à l'origine de la catastrophe. À son contact, à plus de 200 km/h sur la piste, le pneu du Concorde aurait explosé, projetant des morceaux de pneumatique sur l'aile de l'appareil, ce qui aurait provoqué l'implosion des réservoirs remplis de kérosène. L'avion a pris feu sur la partie arrière gauche. Conséquence funeste et inévitable, le pilote perd le contrôle de l'avion et c'est le crash. Compte tenu de ce que révèlent les boîtes noires de l'appareil, l'équipage a très vite compris qu'il y avait un problème, un sérieux problème. Il a gardé son calme très professionnel, mais il ne pouvait plus annuler sa procédure de décollage. Il y a 2 minutes 30 d'enregistrés entre le moment du démarrage et l'arrêt du son. Silence complet. Même pas de réaction violente de la part de l'équipage. Ils ont été dépassés par l'événement, malheureusement. La tour de contrôle leur dit « Attention, vous êtes en feu ». Pas de réaction ? Ils répondent « On sait ». Quand la tour de contrôle annonce ces flammes, ils disent « On le sait ». Et à ce moment-là, ils ont déjà passé ce qu'on appelle la vitesse V1 de non-retour. Ils ont déjà dépassé cette vitesse et dès lors, ils ne peuvent plus ne pas décoller selon la réglementation. Ils annoncent qu'ils coupent un moteur et uniquement un moteur. Il n'y a pas d'autre réaction que cela. Le copilote demande « On coupe le moteur 1 ». Et le commandant répond « Oui, on coupe le moteur 1 ». Puis il y a forcément le moment où ils s'aperçoivent qu'ils perdent de l'altitude et qu'ils vont se crasher. On n'a aucun son à ce moment-là. Il n'y a aucune panique, il n'y a aucun cri. On arrête sur un silence complet, un silence de mort. L'appareil qui s'est crashé à Gonesse le 25 juillet 2000 était le plus vieux Concorde utilisé par Air France. 4 jours avant la catastrophe, il sortait d'une révision complète. Pendant toute la durée des investigations des enquêteurs du BEA, l'intégralité de la flotte des Concorde d'Air France restera clouée au sol. Idem pour ceux de British Airways. En mai 2001, Air France signe un accord global d'indemnisation avec les familles des victimes de la catastrophe, montant 115 millions d'euros. Dans le même temps, le 7 novembre, les vols de Concorde reprennent chez Air France et British Airways après modification de l'appareil. Les réservoirs ont été renforcés avec du Kevlar, les systèmes électriques ont été modifiés et les pneus sont plus résistants. Mais moins d'un an après, un Concorde de la British Airways connaît un souci majeur lors de sa descente sur l'aéroport JFK de New York. L'appareil perd un élément de gouverne. Pour les compagnies, c'en est assez. Et puis le contexte n'est pas favorable. Baisse du trafic aérien après les attentats du 11 septembre, hausse des prix du kérosène, nouvelles normes contre la pollution et le bruit. Tout joue désormais contre l'appareil supersonique. Les Concorde coûtent cher à l'entretien. Certains vols sont parfois à peine rentables. Chronique d'une mort annoncée, Air France et British Airways décident de mettre fin à l'exploitation de leurs appareils au cours de l'année 2003. Au mois de mars 2005, 5 ans après la catastrophe, la compagnie Continental Airlines est officiellement mise en examen dans le cadre du crash du Concorde le 25 juillet 2000 à Gonesse. Et l'accusé, c'est cette maudite lamelle métallique retrouvée sur la piste et qui est bien à l'origine de la réaction en chaîne qui a conduit au crash du supersonique. Henri Perrier, le père du programme Concorde à l'aérospatiale, lui est mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Le 6 décembre 2010, le tribunal correctionnel de Pontoise rend son jugement sur le crash du Concorde. La compagnie américaine Continental Airlines écope d'une amende de 200 000 euros et devra verser 1 million de dommages et intérêts à Air France. De son côté, le mécanicien John Taylor, de Continental, 42 ans, est condamné à 15 mois de prison avec sursis. Henri Perrier, le père du programme Concorde, est relaxé. Avant même la fin du procès, le supersonique ne volait plus. Il aura vécu 40 ans. Du Concorde, il reste comme une statue, un exemplaire qui trône quelque part sur l'aéroport Charles de Gaulle. Lorsqu'on arrive en voiture à Roissy, on le voit parfaitement. Il a été scellé à un emplacement stratégique pour qu'on le voie précisément. Alors regardez-le. Regardez ses lignes effilées, sa petite taille, sa sveltesse et son nez effilé. Quelle élégance! On dirait une petite fusée plantée là et s'offrant au regard des voyageurs. Il est comme une gravure de mode. La mode d'un autre temps, celui de l'audace, que notre monde en crise et la révolution écologique ont rangé au rayon des souvenirs. The sky is grand. Look at the tears roll down the street. The sky is crying. Look at the tears roll down the street. Avec nous dans ce studio pour Affaires Sensibles et concernant la vie et la mort du Concorde, Gérard Felzer, bonjour. Bonjour Fabrice. Alors vous êtes ancien commandant de bord, vous avez piloté vous-même le Concorde, vous êtes actuellement consultant aéronautique pour les médias et chroniqueur sur France Info. Votre passion évidemment, c'est les avions. Je le disais, s'intéresser à la mort du Concorde, c'est d'abord s'intéresser à sa vie, parce que c'était un projet quand même fantastique. Quel panache! Qu'est-ce qu'il a apporté selon vous, alors on l'a dit un peu dans le récit, mais selon vous à l'aéronautique? Alors Fabrice, oui. Tout d'abord pour bien préciser les choses, et par égard à mes amis pilotes Concorde, et notamment mes amis Jean-Marco et Christian Marty qui étaient dans le crash, Je n'étais pas pilote Concorde. Si j'ai eu la chance qu'on me donnait les commandes en vol et en simulateur, je n'étais pas qualifié Concorde, je ne peux pas m'attribuer la qualification pilote Concorde. Mais vous l'avez, vous l'avez piloté, voilà, vous savez comment il se pilote. D'accord, on y reviendra mais d'ailleurs. Simplement... C'est vrai que c'est un avion, le seul avion, depuis que le transport aérien existe, qu'on reconnaît du premier coup d'œil. C'est vrai. Il n'avait pas d'autres avions, sinon militaires peut-être, qui aient cette forme, cette gothique flamboyante, la forme de l'aile, qui a marqué tous les esprits. On appelle les Concorde Lovers. Vous savez, au musée de l'air, il y a le premier, le numéro 01, prototype, et le dernier avion d'Air France, qui sont tête bêche tous les deux dans un magnifique hangar, et qu'on a gardé vraiment dans leur jus. Eh bien, il y a des Concorde Lovers qui viennent de partout pour aller voir ça, parce que ça a marqué véritablement les esprits. Et il était petit, finalement, cet avion. On va le comparer, on va prendre un Airbus A320, je dis ça parce que c'est l'avion dans lequel souvent on monte le plus, hein, l'Airbus A320. Oui. Quand on fait n'importe quel voyage, vous savez, un Airbus oui. A320. Non, c'est vrai que... par rapport à celui-là, il est plus petit, un peu plus grand. Alors, il a une longueur importante, il est un peu plus grand que le 320, mais il contenait 100 places. Un 320, eh ben, il en contient de 120 à 180, 190. Mmh. Et donc, peu de passagers. Et il avait les pattes un tout petit peu courtes. Pattes courtes, ça veut dire pas beaucoup de carburant pour atteindre New York. C'était quand même le but. Il fallait pas se tromper. Il fallait être prioritaire par rapport aux autres avions. D'ailleurs, les pilotes disaient « Désolé, je te passe devant parce que je suis short pétrole. Donc, il faut avoir la priorité. » Et donc, c'était un avion piloté. Avec des pilotes à l'ancienne. Cet avion a été conçu avec la règle à calcul. Il n'y avait même pas d'ordinateur ou vraiment les prémices de l'ordinateur. Et donc, c'était un record technologique pour l'époque extraordinaire et qui a amené beaucoup de technologies. L'Airbus A320 n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu le Concorde. Est-ce qu'il avait un manche ou un joystick comme les Airbus? Alors, il n'avait pas de joystick, mais il avait les commandes de vol électriques, ce qui était déjà une petite révolution. Il avait entre autres, je ne vais pas trop en dire, mais le transfert du carburant d'avant en arrière pour avoir le meilleur centrage possible et consommer le moins possible. Il avait ce qu'on appelle le FADEC, c'est un correcteur de gaz pour avoir l'optimum du carburant dans les réacteurs, ce qui économise énormément. Les freins à disque en carbone, qui économisent 500 kg par train d'atterrissage, et puis l'ABS qu'on connaît sur les voitures, des véritables innovations qui ont même dépassé le strict monde de l'aviation. Et pourquoi était-il si bruyant? Alors, ça a posé un problème, et pour les passagers, et pour l'exploitation commerciale. Oui, alors bruyant, il y a deux sortes de bruit. Il y a le bruit des réacteurs, parce qu'il faut choisir entre le bruit et la puissance. C'est très difficile de bénéficier sur les deux, de concilier les deux. Et puis il y a le bang supersonique. Effectivement, très difficile, très compliqué de réduire ce bang. Et il fallait donc qu'il soit en supersonique au-dessus de zones désertes, l'océan. C'est ce qu'il a fait, mais ça l'a handicapé pour faire des lignes, par exemple, pour le Paris-Tokyo. Les Russes n'ont jamais autorisé à survoler la Sibérie en supersonique, par exemple, alors qu'il y avait un marché. Ils étaient jaloux à cause de leur supersonique raté, non ? Eh bien oui, c'est vrai qu'ils avaient le TU-144 qui a volé juste un tout petit peu avant le Concorde. D'ailleurs, il y a eu le directeur de l'aéroflotte à Paris qui s'est fait coincer avec les plans du Concorde dans la poche. Ça a été beaucoup de polémiques. Sauf que le Concorde russe, le Concordski, comme on l'appelait, avait quand même des innovations qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Il avait notamment des moustaches à l'avant de l'appareil, ce qui était assez révolutionnaire, des canards, on appelle ça, et c'est probablement la rupture d'un des canards qui a provoqué sa chute au Bourget pendant une de ses présentations. Le Concorde a été construit donc par les Français et les Anglais dans un accord de coopération industrielle. Pourquoi avec les Anglais ? Parce que on pourrait se dire qu'à cette époque, le général de Gaulle était pas obsédé, mais il avait vraiment une volonté farouche de se réconcilier avec l'Allemagne. Ça pouvait passer par des projets communs. Là, c'est avec l'Angleterre. Pourquoi ? L'Angleterre, parce qu'elle avait une avance dans le domaine de l'aviation, et notamment des moteurs. Rolls-Royce a fait des moteurs extraordinaires. Il a fait l'Olympus, qui est le moteur du Concorde, qui est d'une complexité incroyable. Il fallait des tuyères variables pour le flux d'air, etc. Donc, c'était vraiment à l'époque... Alors, on aurait pu jouer avec les Américains, parce que je rappelle les Américains avec le X-15, qui est un avion piloté, un seul pilote d'essai. 10 ans avant, il était 6 fois plus haut, 6 fois plus rapide que le Concorde. 7000 km/h, 108 000 mètres d'altitude. Donc, ils avaient la technologie, les Américains. Mais comme De Gaulle était un Européen convaincu, il a voulu le faire avec les Anglais et il a eu raison. Bien, en 2000, parce que c'est le concept de l'émission, on réécoute, on découvre, on redécouvre ce qu'on écoutait pendant l'année considérée. Donc en 2000, on écoutait notamment Rita Mitsouko. Alors c'est quoi ? Alors c'est quoi ? Chaque fois, je remets ça. 1, 2, 3, ça revient. Gérard Fenzer, ancien pilote d'avion, est avec nous pour parler du Concorde. Alors justement, ce Concorde, on rappelle, vous n'aviez pas la qualification pilote de Concorde, mais on vous a passé les commandes et vous l'avez essayé, en quelque sorte. Oui, voilà, c'est formidable. Bon, vous l'avez fait voler. Un beau cadeau. Alors comment il était ce Concorde ? Eh bien, en fait, il y a une qualification qui se fait. Au début, on ne connaissait pas trop, ça s'apparentait en L-Delta, alors on leur faisait piloter du Mirage. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que c'était la force de cet avion, que ça se pilotait comme un autre. Alors évidemment, l'atterrissage, c'est un peu plus délicat parce qu'il arrive très cabré, ça fait coussin d'air avec son aile immense, mais du coup, comme on était très haut, le nez est très haut, on voit rien, donc ce qui justifiait effectivement le nez qui se rabattait pour pouvoir voir tout simplement. Et donc, c'est sa particularité au décollage et à l'atterrissage. Mais en dehors de ça, c'est une qualification pilote qui durait un tout petit peu à peine plus longtemps que les autres types d'avions. C'est ce qui faisait sa force également. Donc, il était ni plus facile à piloter ni plus difficile qu'un autre. Alors, je suis mal placé parce qu'il y a des pilotes et dont Jean Marco, le malheureux, qui était celui dans la compagnie qui avait le plus, et au monde, le plus d'heures de vol. Il était de ma promo à l'école de pilote. Il a choisi de rester copilote rien que pour rester sur le Concorde. C'est dire si c'était un Concorde Lovers. D'après eux, non, ça se pilote d'une façon à la fois classique et à la fois des systèmes qui sont totalement innovants pour l'époque. Oui, est-ce qu'il y avait une certaine aristocratie des pilotes de Concorde au sein des pilotes d'Air France ? Il y avait une caste comme ça ? Alors, il n'y a pas de caste, mais il y a une liste de séniorités. Donc, les gens attendaient. Alors, ils disaient, oh là là, je ne vais pas faire du 747, je vais attendre, on ne sait jamais. Il y a peut-être une place, parce que les places étaient très chères. Pas beaucoup de places pour les pilotes Concorde. Donc, ils attendaient, ils sacrifiaient même, comme Jean Marco, sa carrière de commandant de bord, pour être sur le Concorde. Alors, Jean Marco, Christian Marty, voilà, donc pilote et copilote de ce Concorde qui s'est crashé et qui leur a coûté la vie. Vous les connaissiez tous les deux ? Bien. Parlez-nous deux. Parlez-nous. Moi, j'ai perdu deux copains, mais extraordinaires. Christian Marty, qui avait traversé l'Atlantique en planche à voile. C'est vrai. C'est quand même incroyable. On était commandant de bord tous les deux sur Airbus 340 avant qu'il aille sur le Concorde. Il emmenait toujours son vélo à bord. Et on avait fait un San Francisco, par exemple. Il me dit, je te rejoins en vélo. Il a fait les 20 km en vélo pour aller rejoindre l'hôtel alors qu'il venait de se faire 11 heures de vol. C'était un garçon fantastique. D'ailleurs, il devait remplacer Nicolas Hulot à bord de mon ballon à pédale quand j'ai traversé l'Atlantique. Il a bien fait de pas venir parce que pour le coup, je me suis crashé, mais on en est sorti vivant. Et lui, toujours d'une bonne humeur, une ambiance équipage, il était connu pour ça, quoi. Un commandant de bord à la fois compétent et fabuleux. Et puis Jean Marco, c'est lui qui préparait les charters. On a parlé des charters en Concorde. Il y avait un gars, un Américain, qui louait le Concorde pour faire des tours du monde avec des records de vitesse. Oui, on en a parlé. Ouais. Et puis, il y a aussi la route des vins. Il avait préparé la route des vins, il m'en parlait peut-être une semaine avant. Oui, il voulait faire tous les vignobles. Donc, il y avait un Américain qui avait acheté ça avec des amateurs de vin. Alors, À travers le monde. L'Australie, le Chili, la Californie, etc. Donc, voilà, ils avaient prévu de faire la tournée des vins en Concorde. Je le comprends, c'était un beau projet. Oui, c'est un beau projet. Oui. Bon, alors, l'accident du 25 juillet 2000, il faut remuer quelques souvenirs douloureux. Vous étiez où à ce moment-là ? Moi, j'étais à Roissy et je m'apprêtais à partir pour un meeting aérien aux États-Unis, Oshkosh, où se passe beaucoup de choses. C'est là qu'on a inventé, et on en parle beaucoup, le Virgin Galactic notamment. Donc, on repart dans l'espace, dans le supersonique, voire dans l'hypersonique. Et puis, j'étais là et tout d'un coup... Le monde s'est effondré, quoi. Moi, je suis pas parti, évidemment. Je m'apprêtais, j'avais ma carte d'embarquement. Donc, je suis resté à Paris et voilà, autour de la famille. Et une compagnie en deuil et en même temps, une solidarité, mais vraiment incroyable, quoi. Je veux dire, la compagnie s'est regroupée dans cette solidarité qu'on retrouve que dans ces moments-là. Alors, on va pas refaire l'enquête. Tout de même, un point sur lequel je voudrais insister. On va écouter une petite archive ensemble et vous réagirez. Alors, on a parlé de la pièce, la lamelle en titane sur la piste, la pièce de l'avion de la Continentale. La justice a bien considéré quel était le point de départ de la catastrophe, mais la justice a épinglé aussi l'aérospatiale pour ne pas avoir pris en cause une faiblesse structurelle de l'aile du Concorde, cette faiblesse qu'on avait pu observer déjà en 79 à Washington. Écoutons ensemble l'extrait d'une note de la Direction Générale de l'Aviation Civile, rédigée 2 mois après le crash, et qui, à mon avis, en dit long sur l'appareil. Le suivi du programme Concorde n'a pas été mené de manière satisfaisante au niveau de l'autorité française, avec un renouvellement trop rapide des ingénieurs de marque Concorde, qui bien souvent cumulaient cette responsabilité avec celle d'autres programmes. Ces insuffisances proviennent du manque de personnel qui n'ont pas suffisamment d'expérience pour assurer ses responsabilités, d'un taux de turnover trop important et de la volonté de privilégier le suivi d'autres flottes plus importantes. Concorde n'atteint pas le niveau de sécurité des avions d'aujourd'hui ni même celui d'autres avions de sa génération. Ça craint un certain malaise hein, d'entendre oui, ça. Oui, mais c'est comme dans tous les accidents, les responsabilités sont tellement partagées. D'abord, faire un volet à un avion supersonique pendant 30 ans, c'est déjà un record incroyable. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il fallait le faire voler aussi longtemps, avec des résistances structurelles qui sont pas évidentes? Voilà, c'est la question qu'on se posera toujours. Qu'il y ait un manque de suivi, que l'aéroport de Paris n'ait pas vu qu'il y avait une lamelle tombée du Continental, etc. Mmh. Vraiment, les responsabilités sont partagées. Quand on a mis en examen Henri Perrier, voilà, c'était honteux parce que... Bon, il était relaxé, mais il était mis en examen. Mais voilà, c'était terrible pour lui. Bon, concepteur du Concorde, on peut pas dire que 30 ans après, il soit responsable d'un accident comme celui-là. Il fallait vraiment arrêter l'exploitation du Concorde ? Oui, il fallait l'arrêter parce que 30 ans, c'est un avion, encore une fois, qui a été conçu dans les années 60. Donc on s'imagine pas. Oui, il était tellement moderne. Il avait tellement d'avance en même temps. Il finissait par être moderne au bout de 30 ans. Mais c'est vrai qu'il restait moderne. C'est vrai qu'il était temps. Et puis c'était plus tellement l'époque avec une consommation incroyable. Au décollage, c'est 10 tonnes à la minute. Donc, oui, c'est pas dans l'air du temps, c'est clair. C'est pas dans l'air du temps. Il nous reste une minute pour parler de l'avenir. Oui, l'avenir. Pour vous, c'est quoi l'avenir de l'aéronautique civile ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut faire des gros avions comme la 380 ou plutôt le choix américain du Dreamliner plus économique, qui fait moins de bruit? Les deux, mon général. En fait, l'ATECOR disait, on ira toujours plus haut, plus vite, plus loin. Et c'est vrai, ça se départira jamais. Donc, on va à la fois faire du gros porteur comme le 380, peut-être même encore plus gros, et on ira de plus en plus vite. On a des avions où tous les constructeurs étudient, ils n'ont pas du tout lâché le Super Concorde ou autre chose, qui iront probablement à Mach 5, Mach 6, pour faire du Paris-Tokyo en 1h30, etc. Donc, c'est toujours dans les tuyaux, et ça devient de plus en plus sérieux, avec des motorisations différentes, probablement à l'hydrogène, etc. Donc, on verra apparaître, peut-être pas avant 20 ans, 25 ans, et puis l'avion, on ira pour aller plus loin, plus vite, il faut aller dans l'espace. Donc, on a le Virgin Galactic, qui n'est pas vraiment un avion spatial, où on peut, pour quelques milliers de dollars, aller voir la rotondité de la Terre, mais on partira à plus de 100 km d'altitude pour aller plus loin, plus vite. Peut-être pas à 28 000 km/h, qui est la vitesse de libération pour aller se satelliser, mais en tout cas suffisamment pour faire Paris-Tokyo en 1h30. Peut-être le verrons-nous, hein, peut-être le vivrons-nous. Merci, en tout cas, Gérard Felzer. À bientôt, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui Vie et mort du Concorde, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.